Vous écoutez France Culture. Deuxième temps de notre série consacrée à l'année 1973 dans la fabrique de l'histoire. Une année qui, on s'en souvient, dans le domaine du cinéma, fut riche de films libres et provocants, ainsi que nous l'expliquait hier l'historien du cinéma Bernard Eisenschitz à propos de La maman et la putain de Jean Eustache, de La grande bouffe de Marco Ferreri ou encore du Dernier tango à Paris de Bertolucci. Une année marquée aussi par le coup d'état du général Pinochet au Chili, mais cette année est aussi celle qui est restée dans nos livres d'histoire comme l'année de la guerre du Kippour, du premier choc pétrolier et de la crise économique qui commençait. Nous en parlerons demain et jeudi dans l'émission d'Archives et dans le débat. Mais quelles furent justement les conséquences de cette crise pétrolière en France et plus particulièrement dans un port dans lequel transitait près de la moitié du pétrole? C'est la question que se sont posées pour ce documentaire du mardi Anaïs Quien et Françoise Camard en se rendant au Havre. Elles y ont rencontré Christian Affagard, Pierre Jancet, Alain Leménorel, Jacques Dubois et Daniel Colliard. Le Havre 73, la victoire du homard jusqu'à 10h dans la fabrique de l'histoire ce matin. En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde. Une industrie puissante. La pétanque. Une histoire glorieuse. On a aussi une situation géographique privilégiée. La tour Eiffel et la pêche à la ligne. Oui, en France, on a tout ça. Et bien plus encore. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. Le Havre, la ville qui ne manque pas de pétrole. Les titres de cette édition de 13h, Golda Meir arrive aujourd'hui à Washington. Henry Kissinger rencontrera, lui, Anwar el-Sadat le 6 novembre. À l'Élysée, Conseil des ministres, traditionnel le mercredi, à l'ordre du jour, le Proche-Orient. À l'Assemblée, budget de la justice. Enfin, le baccalauréat, les dates sont fixées, 11, 12 et 13 juin pour le technique, 18 et 19 juin pour les autres sections. La durée de l'embargo est liée à la durée de l'occupation israélienne des territoires arabes. Nous avons indiqué déjà aux responsables européens que nous sommes prêts à revenir à la production normale dans la mesure où il y a un engagement précis et déterminé portant sur l'évacuation des territoires arabes. Et nous remonterons notre production au fur et à mesure que l'évacuation se fera sur le terrain. Vous avez de la chance, il y a un pétrolier, c'est très très rare. Donc faut tomber dessus. Hein. Le Havre 73, la victoire du homard. On essaie de se balader un peu dans la ville, d'évoquer l'histoire, de l'accrocher à des lieux et à des événements parfois. Le choc pétrolier de 73, il ne va pas être forcément visible dans des lieux. On peut pas, on voit pas un choc pétrolier. Mais par contre, certains monuments, certains événements vont le marquer, et surtout la réception même des bâtiments construits ou reconstruits par les habitants. Ça, ça se voit et ça va complètement pivoter autour de cet événement de 1973 qui marque plus un changement de société finalement. Wow, c'est ça qu'on voit. Pierre Jancet, conférencier de la Maison du Patrimoine, nous guide dans les rues du Havre à la recherche des traces d'une crise qui serait née sous le choc d'une guerre lointaine. En octobre 1973, la guerre du Kippour embrase le Moyen-Orient. Afin de faire pression sur l'Occident, les pays arabes membres de l'OPEP décide d'une augmentation de 70% du prix du baril de pétrole et de la réduction de la production. Les ports pétroliers des pays alliés d'Israël sont frappés d'embargo. Ce n'est pas le cas du Havre, par lequel 46% du pétrole destiné à la France transite chaque année. C'est pourtant à cette période que la ville décline, perdant des emplois, des habitants, sans oublier des bateaux. Havre de Grâce créé de toutes pièces par François Ier en 1517, port de marchandises exotiques, port négrier, porte océane ouverte vers le rêve américain, ville martyre de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui plateforme maritime du trafic de containers, en 1973, le Havre est pétrolier. Comment cette crise internationale influe-t-elle sur un port normand ? Le Havre, à l'échelle du monde, aux côtés de Christian Affagard, Havrais, 26 ans, 1973. On est dans l'avant-port du Havre. Alors, c'est l'endroit idéal parce que, juste en face de nous, on a les citernes de la compagnie industrielle maritime où tout le pétrole arrive, le pétrole brut, et il est envoyé vers les raffineries qui partent de la sortie du Havre à Gonfreville-Orchet. Il y a la raffinerie Total. Ensuite, ça va vers la Seine, ça remonte jusqu'à Rouen. Donc, quand on entend parler du choc pétrolier, il me semblait que c'était évident de commencer là. Justement, vous, Christian Affagard, en 1973, qu'est-ce que vous faites ? Je suis un jeune prof. Je suis en train de construire un pavillon. Donc, je découvre que j'ai signé un contrat, mais que les produits des matières premières vont grossir. C'est-à-dire que tout est... Vont coûter plus cher. Vont coûter plus cher. Et donc, c'est une peur terrible. Vous avez conscience qu'une crise est en train de naître à la fin de cette année 1973 ou ça vient beaucoup plus tard ? Ça nous fait peur quand même. Parce que le pétrole conditionne tout. C'est non seulement le carburant, mais c'est aussi, par exemple, la pétrochimie qui est en arrière des usines de raffinage. Toutes les matières plastiques, enfin tout ce qui se fait avec le pétrole. Il y a plein d'emplois induits aussi dans la transformation de ce pétrole. Mais bon, on a 25, 26 ans, on a l'insouciance aussi un peu, hein, quelque part. On se dit, bon, ça va aller mieux, ça va passer. Mais, et puis c'est loin quand même. Mais en même temps, ça nous touche tout de suite. Quand vous allez à la pompe et qu'il y a écrit plus d'essence, ou enfin dans les premiers temps, embargo, ça se traduit par une queue devant une station. Et vous en avez vu ? Oui. Bien sûr, oui. Le Premier ministre iranien a rencontré aujourd'hui M. Pompidou et le ministre des Affaires étrangères, M. Jobert. Interactualité, 7 décembre 1973. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'arme, du pétrole, des pressions des pays producteurs. Est-ce que le Liban s'associe à cette guérilla du pétrole, peut-être cette guerre du pétrole ? C'est la question qu'a posée Édouard Sablier au Premier ministre iranien. L'Iran considère le pétrole comme une matière commerciale. Il faut l'extraire et le vendre, il ne faut pas le boire. Et avec les redevances de ce pétrole, nous devons développer notre pays. Nous devons faire en telle sorte que l'Iran puisse être une nation forte et indépendante. Je crois que notre point de vue est le suivant. Il faudrait que la résolution des Nations Unies d'il y a 6 ans soit appliquée et les territoires arabes rendus à leurs propriétaires et qu'une paix digne de ce nom puisse être mise en application dans le Proche-Orient. A noter également que l'Irak a relevé le prix du pétrole brut et que la Libye vient de suspendre ses exportations de pétrole à destination des États-Unis. Le port du Havre est maintenant le seul qui reçoivent les pétroliers, puisque Rotterdam est boycotté. Les ports d'Anvers et de Hambourg ne peuvent pas recevoir les grosses unités. Donc, le Havre est privilégié. D'autre part, le port du Havre, disposant d'un certain stock, peut ravitailler également les navires qui viennent souter spécialement. Devant se ravitailler à Anvers, à Hambourg ou à Rotterdam, là où il n'y a plus de pétrole actuellement, paraît-il, eh bien, ils viennent de Havre et ils en trouvent. Thank you. Bulletin de l'Association des architectes du Havre, 1959. Les architectes et la ville neuve. Pour qu'une ville soit réputée vivante et gaie, est-il nécessaire que les rues au cœur de la cité soient bordées de maisons vétustes dont seuls les rez-de-chaussée commerciaux ont été à grands frais transformés, modernisés, retapés? Que ces rues soient grouillantes, d'une foule de gens très pressés mais piétinants, avançant avec difficulté, se heurtant, se gênant sur des trottoirs étroits et mal pavés. Que parmi cette foule, les marchandes ambulantes de poissons ou de quatre saisons créent des bouchons qui, paraît-il, sont favorables au commerce. Que son ambiance habituelle soit celle d'une foire ou d'une braderie. Que le centre soit un labyrinthe de sens interdits. Que le stationnement soit impossible ou coûteux. Que, le soir venu, le néon se substitue à la foule pour continuer d'exprimer l'agitation. Que sur les balcons, les corniches ou les toits, des noms de poudre à laver, de corsets ou d'apéritifs s'allument en couleurs discordantes et s'éteignent et se rallument. Est-il nécessaire que, non content de s'être excité toute la journée dans un tel milieu, l'homme de la rue, que nous sommes tous, éprouve le besoin de sortir le soir? Que les grands cafés soient remplis d'habitués écoutant d'une oreille distraite ou n'écoutant pas d'une oreille attentive des extraits ou des arrangements de La Veuve Joyeuse ou des Dragons de Villars. Que les affaires des boîtes de nuit, des dancings ou des cabarets soient florissantes. Que tard dans la nuit, les rues soient encore animées et bruyantes. Non, tout cela n'est pas nécessaire, tout cela est factice et ridicule. C'est du déséquilibre, du désordre. Ce n'est pas de l'animation ni de la gaieté, c'est de la turbulence due à l'inadaptation. Non, le nouveau Havre n'est pas triste. Il est calme, posé, pondéré. Le Havre est sérieux, il pense, il travaille. Le nouveau Havre n'est pas mort. Bien au contraire, il vit. Mais à un rythme normal, dans un cadre ordonnancé, exceptionnel d'équilibre et d'harmonie. Je vous demande pourquoi le Havrais relogé aimerait vivre dans la rue alors que dans son foyer aujourd'hui, il y a une salle de séjour où l'on se réunit en famille ou entre amis. Et si l'on veut le verre à la main, pour parler, rire ou danser. Et puis n'y a-t-il pas ou n'y aurait-il pas bientôt pour chacun la TSF, le tourne-disque, la projection de photos en couleur, la télévision? C'est bien plus que la gaieté, n'est-ce pas? Ce que nous éprouvons lorsque nous admirons le panorama du Havre à l'amiral Mouchet ou au chapeau de Napoléon, et les ciels du Havre, qui pourtant ne sont jamais bleus outre-mer, et les tempêtes au bout de la jetée, et notre grande place jusqu'à la Ève, et le port du Havre, et nos avenues, et nos jardins, et demain notre musée, après-demain notre théâtre. Le nouveau Havre sourit à l'avenir. Il est un grand exemple moralement et matériellement de ce que devraient être dans l'avenir les cités dignes des hommes de l'avenir. Ah non, décidément, le nouveau Havre n'est pas triste. Fernand Denis. Post-scriptum. Et de surcroît, pour notre distraction, n'avons-nous pas de magnifiques salles de cinéma et une fameuse équipe de football ? La société, la ville moderne par excellence, qui était en plus reconstruite, qui avait un visage moderne. Pierre Jancet, conférencier à la Maison du patrimoine du Havre. Cette rue de Paris, eh bien, ne sera plus le symbole de la modernité, mais sera presque ringardisée assez brutalement. Hein. On va perdre des étoiles dans les guides touristiques, ça on en a la trace. On voit aussi, et malheureusement, les commerces un peu décliner. Hein. Donc, c'est ça, c'est ce qui s'éteint un petit peu au Havre, c'est cette espèce d'investissement dans le futur qui ne sait plus où aller. Hein. Donc ça, c'est vraiment très, très marquant. Et Niemeyer, bah, c'est un peu le symbole de ça. C'est un projet qui remonte à 72, donc on est juste avant. Il y a un changement de municipalité, hein. André Duroméa arrive, et il va amener avec lui un grand architecte brésilien, Oscar Niemeyer, il se retrouve en France à ce moment-là. Il va lui offrir le projet du théâtre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'emplacement même était visé au cœur de ces Golden 60s, hein, des années 60, qui était très doré au Havre, eh bien, c'était l'endroit où devait être un mall, un centre commercial à l'américaine, ce qu'avait prévu la chambre de commerce. On sent bien déjà qu'il y a une division entre le port, la chambre de commerce et la municipalité qui s'engagent sur des combats différents. Hein. C'est plus de donner du boulot aux ouvriers, c'est presque d'avoir des visées de société autres. Et là, on était encore dans cette idée de « allez, on investit des domaines, la culture, on investit l'industrie, mais voilà, on investit ». Pour comprendre la crise, en fait, il faut peut-être remonter à l'ensemble de la politique économique qui a été développée au Havre depuis la Seconde Guerre, en fait. Alain Leménorel, historien. Alors c'est vrai que la présence de l'État au Havre, je dirais qu'elle est très ancienne, il y a une espèce d'atavisme dans la mesure où, il faut le rappeler, le Havre a été créé, enfin le port puis la ville ont été créés suite à une volonté royale, celle de François Ier en 1517. Alors pour autant, il y avait eu un dynamisme propre de la bourgeoisie de négoce havraise, bourgeoisie conquérante, de négociants, d'armateurs jusqu'à la fin du 19e. Et en fait, la deuxième révolution industrielle qui s'est développée au Havre, donc entre 1890 et 1930, c'était une révolution industrielle basée sur des capitaux extérieurs et qui a fait passer en fait le Havre d'un port colonial à un port pétrolier. Hein, puisque les années 30, c'est un peu l'âge d'or du pétrole déjà au Havre. C'est l'or noir, comme on dit. Hein. Mais cette évolution est importante à rappeler parce que ce sont les prémices d'une perte d'autonomie et d'un effacement progressif de la bourgeoisie du négoce. Alors, quand un acteur s'efface, il y en a un autre qui le remplace. Et cet autre acteur, ça sera l'État. Hein. Puisque après 1945, c'est l'État centralisé, l'État jacobin, l'État planificateur, l'État aménageur du territoire, l'État entrepreneur également, hein. Ce sont toutes ces casquettes. D'un côté, la reconstruction urbaine, c'est une décision de l'État par le biais du ministère de la reconstruction urbaine. Et puis l'État, c'est également lui qui va imposer au Havre, après 1945, sa logique économique. Alors cette logique est simple, on peut la résumer en quelques mots, c'est un volontarisme industriel, parce qu'on estime que, ça c'est la philosophie un peu gaullienne, l'industrie c'est le gage de l'indépendance nationale. Et puis le deuxième aspect important de cette logique économique d'État, c'est une volonté d'aménagement du territoire, c'est-à-dire basée sur une répartition nouvelle, la recherche de nouveaux équilibres hexagonaux. Et donc en fait, ce qu'on demande au Havre, d'une certaine manière, c'est de s'inscrire dans cette nouvelle logique économique, qui est celle d'un capitalisme d'État centralisé, qui va priver le local de tout pouvoir de décision. 21 octobre 1973. Interactualité Magazine. Bonjour. Trois photos. La cuisinière à charbon a repris sa place dans la cuisine. Le vieux poêle émaillé est ressorti de la cave. Le seau à charbon rempli à ras-bord est revenu dans le cagibi. On les avait abandonnés pour améliorer le confort familial. La chaudière à mazout dans la cave répartissait la chaleur dans chaque appartement. C'était bien pratique. Le rival du charbon avait remporté une victoire. Le pétrole gagnait une bataille, mais pas la guerre. Le boycott arabe est maintenant quasi général. Les robinets du pétrole sont fermés en direction des États-Unis. Mais ce ne sont pas eux qui vont subir les conséquences les plus importantes, les plus immédiates du rationnement. Au Japon, on est en effet extrêmement inquiet. Les combustibles de toutes sortes voient leur utilisation doubler tous les 25 ans. Quelle que soit la crise actuelle, de toute façon, nous courons un jour ou l'autre à l'épuisement. Le gouvernement vient d'envoyer une mission de 6 parlementaires dans les pays arabes pour essayer de faire revenir les pays producteurs sur leurs décisions. Quant aux Européens qui importent 50% de leur pétrole, ils vont se trouver assez rapidement confrontés au problème du rationnement si des solutions de remplacement ou un accord avec les pays arabes ne sont pas trouvés. Thank you. Le paquebot France est lancé. Il a épousé la mer. La mer, tant redoutée et tant désirée des peuples. 1960, lancement du luxueux paquebot France par le président Charles de Gaulle. La mission du navire France sera de transporter d'un bord à l'autre de l'Atlantique des hommes, c'est-à-dire des pensées et des activités, des foyers de connaissances et des sources de travaux, de l'art et de la richesse. En tout temps, un pareil rôle aurait été tenu pour important. Aujourd'hui, il l'est plus que jamais. C'est en effet des rapports entre nos semblables, autrement dit des échanges, que procède la civilisation. Et puis, l'autre image qui me vient, c'est 74, le pétrole va condamner notre tour Eiffel à nous, le paquebot France. Christian Affaga. Et on sent que le bateau va être désarmé, il continue de faire un peu de croisière, alors qu'avant, on le voyait tout le temps, il faisait la ligne, le Havre-New York, le Havre-New York. On finissait par ne plus faire attention à lui, il rentrait. Moi, je l'ai vu arriver en 62, tout le Havre était sur la plage pour le voir arriver. Hein. Donc c'est un monument pour nous. Et en 74, on sent que ça va être la fin. Et d'ici, il faudra avancer un tout petit peu pour aller à l'entrée de entre les digues, l'acheter. On aperçoit au loin le France qui est pris. C'est un piratage, quoi. L'équipage sent qu'on va le désarmer, donc il prive le commandant de la passerelle. Et c'est un barou d'honneur, quoi. Il bloque, bateau, en fait, l'entrée du port avec le France. Non, il est au large, mais il ne rentre pas. Il reste, je ne sais pas combien de temps, au large. Et tous les Havrais viennent le voir de loin. Le maire du Havre de l'époque... C'est André Duroméa, part avec un bateau pour parler aux gens du bateau en disant « on vous soutient », etc. Ça va durer 29 jours. Oh, exactement. Et puis finir dans un quai qu'on appelle le quai de l'oubli. On parle de ce choc pétrolier de 1973, Jacques Dubois. Selon vous, le fait que le paquebot France soit désarmé exactement un an après ce choc pétrolier, le choc pétrolier a lieu en octobre 73, et le paquebot France est désarmé en octobre 74, est arrêté en octobre 74. À votre avis, est-ce que le choc pétrolier a une incidence directe sur la fin de l'exploitation du France ? Moi, je pense que ça a rendu encore un peu plus onéreux l'utilisation du France, je pense, oui. Mais, à mon avis, si vous voulez, c'est un choc pétrolier ou pas un choc pétrolier. Malheureusement, le France était condamné. Donc il est resté amarré au quai de l'oubli pendant 5 ans. Oui, 5 ans, peut-être. Enfin, je n'ai pas envie. Mais je pense à peu près 5 ans. En 1973, j'étais au port autonome du Havre et je m'occupais des travaux. J'étais directeur des travaux. Donc, à un moment, je savais que ça se passait au mois d'août. J'étais en vacances. Je suis revenu, bien sûr, pour tout cela. Ça s'est terminé par des coups de téléphone, des réunions au niveau des cabinets des ministres, d'un coup de téléphone qui était envoyé au président de la République, qui était à Briançon, je crois, si je me souviens bien, qui a donné son feu vert à l'opération, etc. Et bien entendu, il y a eu toute la foule qui s'est amassée. Pour le voir partir. Il y avait un marin qui, à un hublot, agitait un drapeau français, etc. Il y avait toutes les... Alors, les remorqueurs du Havre m'ont dit que Bien entendu, ils ne participeraient pas à cette manœuvre. Ils ont refusé. Et ils ont ajouté qu'ils s'opposent, que si la marine nationale française venait avec ses bateaux de remorquage, ils feraient grève pendant toute la durée du stationnement de ces bateaux dans le port du Havre. Mais oui, il faut que vous trouviez une solution. On a demandé des remorqueurs étrangers, hollandais, qui sont venus. Et dont les équipages ont pris contact avec les syndicats pour savoir... Avec les syndicats français ? Oui, s'ils pourraient... s'ils étaient pour persona non grata ou pas. Et ça s'est passé ? Si vous voulez, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc ça s'est fait comme ça. Donc ça a été avec douloureux. La douleur, oui, une manœuvre assez difficile d'ailleurs, parce qu'il y avait un petit peu de vent et il fallait que le bateau rentre dans l'écluse en remorque, c'était pas tellement facile. Les pilotes ont bien manœuvré, comme c'est leur habitude d'ailleurs. Là, on s'approche des quais, Pierre Jancet. D'ailleurs, on voit, il y a un bateau aujourd'hui, un bateau de croisière. Un petit bateau de croisière, parce qu'il y en a beaucoup au Havre. Hein, c'est un terminal de croisière qui est un phénomène assez étonnant et qu'on n'a pas vu parce qu'on parle toujours du deuil du France. Mais il est très révélateur d'un basculement. C'est-à-dire que quand on regarde ce que coûtait le France, hein, c'est la fameuse phrase de Chirac, ça vaut deux hôpitaux modernes. Très moralisatrice comme phrase. Hein. En fait, on n'a pas vu venir la société des loisirs. Donc on a refusé, quelque part, de gagner en rentabilité sur un bateau qu'on pouvait réaménager dans l'air du temps. Et ça, c'est important. C'est presque cette absence de... On n'arrive plus à se coller au temps présent. Et là, au Havre, du coup, on voit réapparaître maintenant des bateaux de croisière. Finalement, le bateau refait spectacle. Mais il n'y a pas grand monde pour venir le voir non plus. Non, parce qu'on voit bien que ce port est relativement peu visité, c'est pas vraiment un lieu de balade. Non, effectivement, on va le visiter déjà. Il est énorme, le port. Voilà, il n'est plus ce quai qu'on allait voir. Maintenant, ce sont des hectares et des hectares. Pour y aller, il faut prendre un car. Enfin, voilà, c'est une visite en car. Vous allez avoir un vrai guide conférencier qui tiendra le micro, qui vous racontera tout ça. Mais c'est plus un spectacle populaire du tout. Souvent, on met en lien la fin de l'exploitation du France comme un effet direct du choc pétrolier de 1973. Je pense pas que ce soit ça. C'est que surtout, il y avait les avions, ça allait plus vite. Enfin, je pense qu'il y avait une baisse de clients évidente. Et on y voit un coût. C'est immoral de dépenser du pétrole. Peut-être c'est ça, l'idée qui est derrière. Alors qu'on pourrait faire tourner les hôpitaux modernes. C'est voilà, ce qui est assez important. Donc ça devient pas moral. Et effectivement, là, on y retrouve toute la propagande du choc pétrolier. Non. Le 12 septembre 1944, la ville et le port du Havre ont été libérés. Mais le prix de cette délivrance a été très lourd. Le Havre a beaucoup perdu de son caractère d'autrefois. Ce n'est plus le grand port aux quais noyés dans la brume, car la plupart des quais, malheureusement, sont dévastés. Autour des installations portuaires, il n'y a plus de ces petits bistrots où des accordéonistes et des filles berçaient la nostalgie des dockers et des marins. Moi, je me souviens quelquefois, le dimanche après-midi, avec les mômes qui étaient au-dessus, on allait se balader sur le port et on voyait des caisses en bois. En 1973, Daniel Colliard est premier adjoint communiste de la mairie du Havre. Et puis alors, il y avait les noms des pays de l'autre bout du monde. On faisait un petit tour du monde comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait le conditionnement était approprié à la marchandise. Avec les conteneurs, on a approprié la marchandise à la boîte. Je me souviens, Aragon, qui était venu nous voir, faire une petite visite au Havre. Alors, en substance, c'était à peu près sa phrase, mais j'étais venu au Havre, j'ai fait la tour du port, je pensais sentir les épices, la cannelle. J'ai vu des boîtes. Flac ! On approche un point clé un petit peu du Havre historique, hein, entre quai et cathédrale, donc qui était une église d'ailleurs, et qu'on va se dépêcher. Je crois que c'est en 72 justement, on n'est pas loin de passer monument historique, enfin de passer cathédrale. Voilà, elle devient cathédrale cette église. Très rapidement, ça symbolise bien un autre glissement des années 70, c'est ce passage patrimonial. Oh. En étant un peu le produit, je ne peux pas critiquer, mais effectivement, au lieu de rêver d'avenir, on va se mettre presque à rêver de passé. Ça, c'est important. Au Havre, dans les années 70, se multiplient les publications sur le bon vieux Havre d'autrefois. Et la ville moderne devient le symbole d'un présent qui nous pèse. Voilà. Et ça, c'est terrible. Enfin, c'est vraiment un basculement total. Et on l'observe dès le début des années 70. Donc c'est vraiment radical. Le passé fait rêver. Et effectivement, hein, c'est le pays qui n'a plus de pétrole, mais qui a des idées. Et donc, on va forcément un peu tourner dans le vide. Et on va regarder ça. Franchement, le port autonome lui-même va publier toute une série de fascicules sur le Havre avant les bombardements. Hein, donc, c'est très, très révélateur quand même d'un regard qui bascule. Voilà. Finalement, les années 70, c'est... On se retourne un coup et c'est effrayant, quoi, parce qu'on a un recul énorme. Donc c'est l'arrêt de ce mouvement. On est rattrapé par le col et on s'arrête dans cette course à la modernité, cette hyper-croissance des Trente Glorieuses. Un peu de ça. Même si la course continue, mais elle est cachée. Effectivement, on est stupéfié. Il faut bien comprendre, en fait, que cette migration du port hors de la ville, elle a rompu... Je dirais une osmose qui était à la fois physique, Alain Leménorel, sociale, sensorielle, et qui une osmose qui avait de tout temps soudé les deux entités ville-port et fait rêver les Havrais. Lié pour comprendre l'ampleur du choc que ça représente pour les Havrais, c'est qu'il faut se rappeler que pendant des siècles, les Havrais quand même se sont, au sens propre comme au sens figuré, nourris de la mer. Hein. La mer et sa puissance spirituelle, la mythologie maritime, le spectacle des bateaux, les odeurs. Hein, quand même, c'était les odeurs du café, du poivre, du goudron, etc. Et le port a été le Havre a été un port avant d'être une ville. Ça, dans la mentalité d'Havre, c'est très important. C'est-à-dire que le port doit, enfin, le Havre doit vraiment tout à la mer, sa prospérité. Son tempérament avec la solidarité, sa culture, son imaginaire, c'est-à-dire tout ce qui compose en fait une identité locale, quoi. Le port, c'était le Nouveau Monde, c'était c'est l'Amérique qui a donné au Havre son statut de porte-océane. Hein, l'Amérique, c'était la ligne de vie en quelque sorte, c'était l'horizon, c'était le rêve. Et puis les Havrais aiment bien rappeler que la mer, c'est ce qui rend libre, hein, c'est l'infini, c'est l'ailleurs. Pierre Messmer, Premier ministre, 30 novembre 1973. Depuis quelques semaines, vous êtes submergé d'informations à propos du pétrole. D'informations souvent contradictoires, parfois absurdes et habituellement inspirées par des arrière-pensées politiques. On vous dit par exemple que le gouvernement a décidé d'imprimer des tickets de rationnement d'essence. Mais ces tickets existent depuis toujours. dans l'hypothèse d'une crise grave. On vous dit que la France va manquer d'essence, et en même temps qu'il est scandaleux qu'elle n'en manque pas. Ce soir, je voudrais simplement faire le point avec vous de la situation du pétrole. N'en déplaise aux amateurs de catastrophes, la situation de la France, de ce point de vue, est bonne comparée à beaucoup d'autres pays. Et nous n'avons pas de raison de le cacher, car nous le devons d'abord à notre propre politique d'approvisionnement pétrolier. Il en résulte que le niveau de nos stocks est tel qu'aucune restriction importante ne s'impose. Néanmoins, personne ne peut dire, personne ne sait combien de temps durera la crise dans laquelle nous nous trouvons, et si cette crise dure longtemps, il est inévitable que la France finisse par en subir des conséquences, ne serait-ce qu'indirectes. Je crois qu'il est bon de rappeler maintenant les nouveaux prix. 1,75 franc, donc le nouveau prix du super, 1,62 franc l'ordinaire, 52,9 centimes le fioul domestique. Alors Girard, on peut aussi s'attendre maintenant à des répercussions sur les prix des produits dérivés. Oui, en effet, dans les semaines qui viennent, tout ce qui est fabriqué à partir de pétrole, matière plastique ou autre, ou tout ce qui est fabriqué à partir de machines fonctionnant en pétrole, augmentera. Valéry Giscard d'Estaing, avant-hier, n'a pas caché, la hausse des carburants se traduira par une augmentation du coût de la vie située entre 1,5 et 2%. Très rapidement, les Français vont se rendre compte, surtout s'ils ont une voiture, de cette augmentation du coût de la vie. Nous avons calculé, par exemple, que si votre voiture consomme en moyenne 10 litres au 100 km, et si au cours du prochain week-end vous effectuez 500 km, cela vous coûtera 85 francs au lieu de 67 au prix actuel du super. Décembre 1973. En France, la police fait depuis hier soir la chasse aux commerçants qui laissent leurs vitrines ou leurs enseignes allumées après 22 heures. À Paris, la nuit dernière, il y a eu près de 600 commerçants qui n'ont pas respecté les consignes. Pas de contravention pour l'instant, mais attention, cela viendra sans doute pour le moment, en tout cas, un simple avertissement. Donc on va quitter l'avant-port du Havre, Christian Afagar. Oui, et on va prendre le front de mer. Pour aller jusqu'à Antifer. Voilà, exactement. Alors là, vous êtes en plein pays de Caux. Ça veut dire que quand on nous annonce qu'on va faire Antifer, dans notre tête, vous voyez le parcours qu'on fait quand même depuis le Havre. On dit c'est la pleine campagne, ils vont faire un port pétrolier. Si loin que ça. Et donc, on nous raconte, on nous montre des maquettes, et puis on nous dit qu'il va y avoir un oléoduc qui va partir, qui va passer dans les champs, qui va rejoindre tout le pipeline de la cime qu'on a vu dans l'entrée du port. Alors, pour gagner aussi le public à la cause, on installe un belvédère. On peut s'y arrêter, c'est devenu un restaurant. On a une vue globale d'Antifer. Et les gens viennent le dimanche regarder les avancées de la construction. Mais c'est marrant, le journal était plein de photos de la construction dans le journal La Presse Écrite. Il y avait constamment les avancées de la construction. On nous annonce des bateaux géants. Bah oui, les bateaux géants, il faut leur donner un port géant. À distance quand même, hein. Il faut bien regarder s'il y a une direction Saint-Jouan-de-Bruneval. Oui, on voit Saint-Jouan-de-Bruneval. Alors c'est peut-être là, à gauche. À gauche, je crois. Voilà. Quand Antifer a été imaginé, le gouvernement l'a décidé en 69, si je ne me trompe pas. Antifer a dû être terminé en 74, à peu près. Inauguré en 76. 76, oui, bon, peut-être je me trompe d'année ou deux. Daniel Colliard. L'objet, on le voyait bien, c'était d'avoir un port pouvant recevoir des porteurs de très grande capacité. Ce qui était visé, c'était le million de tonnes. Ce qui a été construit à l'époque au maximum, c'est 550 000 tonnes. Il y en a eu 4 de réalisés en France. qui d'ailleurs ont été abandonnés par la suite, ont été découpés. Et si on allait vers des unités énormes, c'est parce qu'on allait chercher le pétrole très loin. À partir du moment où les gisements de mer du Nord ont monté en puissance, en capacité, l'outil lentifère était inapproprié. Les pétroliers étaient de moindre tonnage. Et donc ça, c'est un des facteurs. Il y a aussi le fait que le pétrole, on pouvait forcément l'imaginer ça, que le pétrole perdrait de sa part relative dans les énergies primaires en France, avec la montée du nucléaire notamment, malgré l'abandon de la houille pratiquement, enfin l'abandon programmé. Alors, effectivement, ça a été flagrant quand Antifer a été inauguré. Personne ne l'a dit, ou presque, ou peut-être, mais beaucoup l'ont pensé. On s'est trompé d'époque. Et ce choc pétrolier est dû à un événement politique au Moyen-Orient. Est-ce qu'en 1973, Jacques Dubois, la guerre du Kippour, ça vous parle ? Oh ben, je comprends, oui. Ben surtout qu'il y a un élément, si vous voulez, dont je n'ai pas parlé, c'était la réouverture du canal de Suez. Alors, le canal de Suez est fermé depuis 9 ans, et, à peu près 9 ans. Et compte tenu de la fermeture du canal de Suez, les navires qui venaient du golfe Persique ou golfe Arabe, je ne sais pas et quelle est l'appellation géographique convenable, et devaient passer par le cap de Bonne-Espérance, c'est-à-dire faire tout le tour en océan Indien. Tout le tour de l'Afrique. Tout le tour de l'Afrique, voilà. Alors, effectivement, à cette époque-là, le transport maritime coûtait très cher et les économies que l'on pouvait faire avec les grands bateaux, les grands navires, étaient évidemment très, très, très importantes. Alors, en 1974, le canal de Suez est réouvert à la suite des événements militaires, la guerre du Kippour. Et bien entendu, alors il faut un certain temps pour que le canal de Suez soit réouvert et puisse être utilisé. Mais après, non seulement il était réouvert et utilisable, mais en plus il a été modernisé. Donc, on pouvait passer des navires de 20 mètres de tirant d'eau. Pas plus, mais enfin déjà 20 mètres. Ça veut dire que les pétroliers qui font 22 ou 23 mètres, je pense, sont toujours obligés de faire le grand tour. Alors c'est une des raisons pour lesquelles l'antifère devient moins utile, qui s'ajoute, bien sûr, à la diminution des importations de pétrole. Il y a à l'heure actuelle 11 millions de voitures particulières. Pour sa lessive, la mère Denis, elle a son secret. Les machines à laver, 10 millions. Les téléviseurs, il y en a près de 12 millions. Tandis que pendant ce temps-là, les Shadok, eux, pompaient. Madame Carrier, vous avez découvert la salle de bain de vos rêves. Oui, je crois que c'est cette salle de bain que je voudrais me payer, oui. Et ce grand store vénitien derrière la baignoire ? Ah non, ce n'est pas un store vénitien, c'est un radiateur. La balade des gens heureux. Qu'est-ce que vous allez mettre comme huile ? Parce que c'est important l'huile pour ces moteurs, je veux dire, c'est... moi j'ai un collègue de bureau, par exemple, pour son moteur à 8 chevaux, pardon. Plutôt une... Non, vous savez mieux que moi, je sais pas. Ouais. En fait, c'est plutôt une huile pour moteur sport ou pour moteur lent. Bon. Si vous voulez, la réponse française au choc pétrolier, ça a été le démarrage de l'industrie nucléaire. Donc les centrales nucléaires et... Enfin, ça a été une décision du gouvernement immédiate. Et les premières centrales qui ont été ainsi édifiées ont été mises en service dans les années mettons 1980, quoi. Alors, le trafic du port pétrolier, du pétrole au Havre, a continué à augmenter, peut-être pendant quelques années, mais à partir de 1980, avec la suppression du fioul consommé par les centrales thermiques, qui étaient remplacées par des centrales nucléaires, le trafic a diminué considérablement. Un bon tiers du trafic pétrolier était supprimé. Alors de la même manière, la raffinerie de Normandie a continué à bien se développer, mais des raffineries qui étaient dans la région parisienne, comme Grand Puy et tout ça, ont été fermées. Donc ça a été effectivement un choc extrêmement important. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça a été le développement industriel, car du jour au lendemain, avec le choc pétrolier, si vous voulez, peut-être pas du jour au lendemain, mais enfin, sur une certaine période, les grands investissements industriels ont été terminés. Il n'était plus question de construire une sidérurgie, bien sûr, il y avait celle de Dunkerque, il y avait celle de Fos, plus de sidérurgie en projet en France, plus de développement pétrochimique ou de raffinage. Également au niveau de l'industrie chimique, c'était la même chose, il n'y avait plus de débouchés. Bon, donc, la construction des voitures a continué, heureusement, bien sûr, mais enfin, avec les progrès, le nombre d'ouvriers, le nombre de techniciens a diminué. Et, si vous voulez, c'en était fini pratiquement du développement industriel du Havre. Autrement dit, les Trente Glorieuses, c'était terminé. Voilà, en gros. Et aujourd'hui, Antifer, ça sert à quoi ? Ben, on reçoit tout de même, je ne sais pas, 20 ou 30 millions de tonnes de pétrole par an, quoi. Vous voyez, la falaise, elle était quasiment... Cette falaise était quasiment dans un alignement. Et le pan qui reculait, c'est toute la partie qui a été dégagée pour faire un volume de terre-plein. Donc on a pris les éléments pour faire ce terre-plein. Et on a construit une digue de 3,5 km en courbe, là, pour abriter les bateaux. Elle fait 3,5 km ? Oui, 3,5 km, là. Et... On peut regarder en bas, on voit encore des cubes en béton. Oui. Il y avait donc une centrale à béton qui fabriquait les cubes pour jeter, pour construire la digue pour aller vers le large. Donc à la fois, il y avait une cimenterie, une usine, et qui amenait les matériaux pour arriver là-bas jusqu'au bout. Et on a fait un appontement pour peut-être deux navires, hein, un d'un côté et un de l'autre, et on prévoyait d'en faire un autre. C'est une jauge de 30 mètres de profondeur. Hein, et on a fait une zone circulaire, on appelait ça la zone d'évitement. Si un navire partait, un autre arrivait, pour qu'il puisse y avoir une circulation. Pour qu'ils puissent se croiser. On rêvait, pour faire les manœuvres dans la vapeur. Celui-là, il fait même pas 500 000 tonnes. C'est-à-dire, je suis prêt à parier qu'il avait peut-être même la capacité d'entrer dans le port du Havre, mais... peut-être que ça va plus rapide, c'est plus rapide à venir là que d'entrer dans le port du Havre, il est venu là. Ça permet de dire aussi que le port sert encore, quoi. Il y a un bateau. Et puis bon, c'est le Havre, on va dire, c'est le port de Paris aussi, hein, et jusqu'à la région parisienne. Bon, il y a plusieurs raffineries. On pense à Petroplus aujourd'hui, et on se dit, est-ce qu'on doit continuer à avoir autant de raffineries ? À l'époque, on se posait pas la question. Il en fallait. Sur le long de la Seine, il y a à la fois Total, Shell, il y avait Mobil Oil, il y avait des noms de raffineries de pétrole, Esso, qui étaient tout le long de la Seine, quoi. Donc c'est impressionnant parce que les pêcheurs qui venaient là jusqu'alors ont vu tout d'un coup s'installer ce truc incroyable. Alors, je vais quand même vous faire une révélation. Les pêcheurs sont très heureux qu'il y ait eu Antifer. Pourquoi ? Parce que, à cause des enrochements de la digue, il y a du homard. Et donc, beaucoup de casiers à homard. Tout d'un coup, c'est... la nature, elle s'occupe de ce qui lui arrive. Hein. Un bateau qui coule, ça va devenir un lieu où il y a des poissons qui vont le coloniser. Et bien là, c'est une région à homard. Et... Donc pas de super tanker, mais des homards. Mais du homard. Merci à Christian Afagard, Pierre Janset, Jacques Dubois, Daniel Colliard et Morgane Ledez. Archivina, Denis Forget. Prise de son, Bastien Varigaud et Tahar Bouklifa. Mixage, Bastien Varigaud. Le Havre 73 ou la victoire du homard, Anaïs Quien, Françoise Camard. Voilà pour le documentaire que vous pouvez écouter ou réécouter sur notre site www.franceculture.fr. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Demain, nous continuons notre exploration de cette année 1973 en allant du côté du Proche-Orient et de la guerre du Kippour.